On choisit pas ses gènes, pourquoi ça nous d'être nuls à l'école? Certains en ont de la chance et d'autres pour en rien les copes. On rêve de la côte, ouais, Romain, hélas, la poisse nous colle. Ici on coule, écoute les coups, écoute mes pouces qui rêvent de sun. On tousse dans le sun, besoin de douceur, mais on reste tout seul. Le pouce n'indique plus rien quand on se retrouverait beau seul. En tout cas, aussi bas que nos Reebok. Ouais, ils t'enchantent à malchance, vu qu'elle bat les vies moches. La poisse, moi je l'ai croisée maintes et maintes fois. C'est pour les croix, les mains de Fatma, les gens droits, les mains sales. Du fat cap pour nos Michel-Ange, mélancolique mélange de yin et yang. On nous coupe vite l'élan, les langues de pute prolifèrent. En bas de chez nous, la folie traîne. Garodec dans les oliflaires, les grosses plis d'herbe. Ouais, c'est vrai qu'on vit dans une ville cosmopolite, mec. Mais dès que nos familles font un peu de bruit, nous cause de politesse. Tandis qu'on polie le verbe, on manque de collines vertes collées au banc. C'est dans les caves, les déçus titubent les soirs d'hiver. Ouais. Le raid bas se mêle au raid label. La nuit m'a pas porté conseil, non man, j'étais rêve la veille. Nos vies se résument à quoi? Nos blessures à soif, les squales, on noie l'espoir, n'est-ce pas? Le soir on squatte les squares. On en bave déjà assez, donc pas de lèche vitrine. Les pages noircies quand je moisis dans mon lâche vitrine. Taillé de la allée, de l'avant, je te fais un aveu par là, ça pue la merde et c'est loin de sentir la lavande. Ça picole les packs dans les parcs, tu pleures à cause des bâtons dans les pattes. Le mauvais sort des parcs pas, mais ils t'offrent des soucis comme des parcs. À 7 dans un appart, tout seul, dans un monde à part. Tant pis pour le pire, espérons ne pas avoir la vie qu'on n'aura pas. Garde autour de toi la misère atteint ton paroxysme. Pas de paradis, 0,5 grammes dans les carotides. Ouais. Ça se déchire au chanvre, une pensée aux innocents. Quand les sourires virent au sang et que les gyros chantent. Loin des tirs au flanc qui glandent en sirotant. D'autres se contentent de peu, j'aimerais en dire autant. Le désespoir fait bien son taf, il plonge les gens dans l'ivresse. Sachez que tout parle malheur de truie, n'est qu'un fait divers. Une pensée pour le Liban, là où les innocents pètent une durite. Les villes ruinées de l'autre côté, un peuple qui se vend des 7 du riz. Ici la joie est court durée et la paix couverte d'urine. On compte plus les pertes à la recherche d'une vie dorée. Le diable a mis les pieds dans le parvis. Ma vie se parfume au shit, au pagard de jeunes, réglant un coup de pavé. Comme d'hab, c'est sur nous qu'on fait des colibés. On coule pipère, garde frère, c'est les nôtres qui dans l'alcool hibernent. Les conflits naissent et les mères reçoivent des colis de peine. Ni qu'on y pète sur nos plages depuis que tu me rares sur les colliers de fer. On veut voir des décors de rêve comme la cordière des Andes. Avant le corbillard et que nos corps deviennent des cendres. Ouais man, la faucheuse, beaucoup l'ont croisé de près. Ça c'est pour un pote brûlé au troisième degré. Hein, ce mouvement grouille de wack et de trait. Ma rage groove, écoute, je traîne tard et noie mes regrets. Ouais, mais je veux m'éloigner de tout ça. On m'a dit, perds pas ta liberté pour une poignée de flou sale. Mon rap vient mettre son grain de sel dans nos plaies. Un peu trop près du sol, y'a pas de gratte-ciel dans nos bleds. On joue les vautours, jalouse les tourtereaux. Le temps passe et un tas de poteaux, béton à tour de rôle. Yeah, les yeux des mères splissent, trop finissent à le spice. Allo, c'est elle ici, les 6 de 8 assistent, les jeunes dans leur se disent. Pris pour des autistes sur les bantistes, toi. Le temps passe parmi la gerbe, les gueux chez les grossistes notoires. Gros, c'est la routine, comme de voir une chienne en route. En route, on déambule, titube dans les rues, mon pote sans but rôde. On bue la veille, ceux à qui la vie a mis une baigne. On peine dans la folie, on fout l'enfer comme si de rien n'était. L'ivrogne du coin est mort à l'éther. Les deux t'es cramé à l'intérieur, l'instar des grands, les petits passent du coup à l'herbe. À l'aide, ça traite de pute, celle qui allait. L'ami, ça veut fumer, le calumet, tout âge de paix en l'air. Ça veut le monde enchanté sous champi hallucinogène. À l'issue de courtes études, à l'usine on jette. Ainsi on gêne, ainsi on gèle. Si on atteint le bonheur, faudra pas le perdre après une si longue quête. Ouais, dans la chair, on est que des locataires. Alors tant pis si on respire l'amiante et qu'on boit de l'eau calcaire. Je combat nos calvaires, me saigne aux quatre veines. La cermie se calme même sous le soleil du Cap Vert. Ma génération a déjà les poumons d'aide. C'est peut-être que quelque part on calque pas les bons modèles. Une vie moderne, et ouais, c'est pas Calcutta, je sais. Mais ça n'empêche pas qu'on est que dalle, tu captes. À présent, ils vivent comme chien et chat en chien avec cette chaîne de vie. Au bonheur, ils ne croient pas sans fierté pour eux, tout ce qui les entoure est mal. Car la violence physique remporte sur la violence. We've drifted on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.